de production animale. Et notamment dans ce coin-ci, on a voulu une installation assez forte et on a une densité d'agriculteurs assez forte sur ce coin et on a des facteurs limitants qui sont beaucoup de bassins versants et on est sur le point culminant de la Bretagne, même si c'est pas haut, ça génère quelques contraintes. Donc le but de ce projet Geotexia, c'est de résorber une partie des excédents, notamment agricoles au niveau porcin, donc de 35 éleveurs. Donc quand on a commencé à réfléchir, nos coopératives locales nous proposaient un système de traitement qui abattait uniquement l'azote. Et le groupe qui s'est constitué donc est fédéré autour d'une CUMA a préféré regarder qu'est-ce qui pouvait générer des plus-values en termes de traitement des déjections. Et au lieu de faire donc de nitrite des nitrites, on est parti sur une réflexion de la méthanisation suite à beaucoup de voyages, notamment en Allemagne et dans les pays du Nord, Suède, Danemark, Allemagne, Autriche. Et comme on avait une densité de matière organique haute que celle agricole sur le territoire, on a essayé d'ouvrir un peu le territoire à une réflexion avec l'agro-industrie et les collectivités locales. Et rapidement, on a vu qu'on avait un potentiel ici, dans un périmètre de 50 km, une capacité de 75 000 tonnes de matière qui pouvait être valorisée sur plusieurs angles, notamment la valorisation donc des éléments fertilisants, la valorisation par l'électricité, la valorisation par les crédits de carbone qu'on pourrait imaginer demain puisque on crédite du carbone, et tout ceci a mis donc en mouvement ce projet. Donc, le financement du projet est le suivant. Donc, les agriculteurs ont voulu rester maîtres de cet outil, sachant que l'investissement était de 14 600 000 euros. Et les agriculteurs ont voulu garder 34% donc, de ce capital pour avoir une minorité de blocage et avoir la main sur du long terme. Donc, les deux autres actionnaires sont la Caisse des dépôts et consignations, qui ont aussi amené 34% du capital, et le reste, 32%, une organisation qui s'appelle IDEX, une firme parisienne, qui est là à double angle, en fait. Ils viennent là pour amener du capital à hauteur de 32% et exploiter l'outil dans le futur. Donc l'investissement, oui, je dis 14 millions 6 d'euros. Le financement de cet outil donc est 10% de fonds propres. Voilà, donc fonds propres 10%, hein, avec la répartition que je vous ai dit à l'heure, 34, 34, 32. La Caisse des dépôts, puisque c'était un projet de territoire, a voulu accompagner de manière beaucoup plus forte Geotexia et y a mis 1 922 000 de comptes courants associés. Le reste, le financement donc, autour d'un pool bancaire s'est fait de la manière suivante. Donc un financement régional, Crédit Agricole des Côtes d'Armor, donc a financé 1 500 000 euros. Le Crédit Mutuel a financé 1 400 000 euros. Le Crédit Coopératif, 1 400 000 euros. et Oseo Bretagne donc a financé 1 million d'euros. Le reste, c'est de la subvention à hauteur de 37%, le taux d'encadrement communautaire. Et la subvention est répartie de la manière suivante. 1 291 000 euros apportés par l'ADEME Bretagne, ou l'ADEME, l'équivalent par l'Europe, et l'Agence de l'eau est venue conforter donc ce tour de table de deux manières, un financement pour les éleveurs et un financement sur les coproduits issus de l'agro-industrie pour un montant total de 2 822 000 euros, me semble-t-il, à quelques centimes près. Donc voilà, vous devez retrouver vos 14 millions d'euros d'investissement. Donc, avec cet outil, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a voulu réellement faire un projet de territoire. Donc, on va rassembler les lisiers de 31 éleveurs, donc, qui vont être acheminés sur ce site avec un seul camion qui a été acheté par la CUMA. Donc un seul camion, tout ça pour avoir une meilleure acceptation sociale, puisque comme vous le savez, dès qu'on parle un peu d'éjection en Bretagne, il y a un tollé pas possible. Donc on a essayé de renverser un peu l'idée en essayant d'être le plus clean possible. Les autres coproduits, donc 40 000 tonnes, vont être acheminés donc, ou sont issus de l'agro-industrie locale, puisque ici, sur cette communauté de communes, nous avons une chance, c'est d'avoir un abattoir qui emploie 2000 salariés ou 2200 salariés, qui, me semble-t-il, est le plus gros abattoir français, puisque c'est les abattoirs des centres Leclerc. Donc, il est à 10 km d'ici et il va générer entre 17 et 20 000 tonnes de boue issues de leur station d'épuration. Et ces boues vont être acheminées sur site ici pour être transformées également. Donc le reste des boues, 20 000 tonnes, vont venir de l'Oudéac, de Stalaven, donc à Saint-Brieuc. Donc, le principe ici, c'est de la méthanisation. Donc, on va faire donc une valorisation par voie de méthanisation. Donc, on va valoriser le biogaz sur deux moteurs de cogénération. Donc, on a une puissance de 1,6 MW d'installé. Donc, le biogaz est valorisé de cette manière-là et on devrait pouvoir revendre à peu près 15 millions de kilowattheures ou gigawatts. Donc, revendu sur le réseau EDF sur un contrat de 15 ans. Aujourd'hui, c'est juste une parenthèse, on est à visiblement revaloriser le kilowattheure, puisque on passe de 139 euros le mégawatt à visiblement 190 euros le mégawatt. Donc c'est en pleine négociation au niveau du ministère de l'Environnement. Mégawattheure, oui, tout à fait. Donc, juste là aussi, une petite parenthèse, en valorisant de cette manière nos effluents et notre matière, on va générer donc ces 15 millions de kilowattheures, soit les besoins totaux de l'ensemble des maisons d'habitation de la communauté de communes. C'est juste pour faire un focus. Ensuite, l'engrais qui va être issu, donc après méthanisation, donc va subir, c'est pas l'engrais, le digestat, je vais m'y prendre autrement. Le digesta, donc, qui a tous ces éléments fertilisants, va subir deux systèmes de traitement, puisque on doit, de par notre excédent ici, enlever l'engrais sur des zones hors excédent. Donc le digesta va être centrifugé et sortie centrifugation va sortir à 25% de matière sèche et ensuite va être acheminé sur un sécheur pour être envoyé donc dans des bennes qui sont dans le local à côté à 80% de matière sèche. Donc le fluide thermique, c'est un peu compliqué et puis je n'ai pas l'habitude de parler, d'expliquer de cette manière-là. Nous sommes complètement indépendants au niveau de l'énergie sur le site, au niveau de la thermie, puisque la thermie basse température issue des moteurs va servir à chauffer l'ensemble du processus, c'est-à-dire les digesteurs, c'est-à-dire la cuve d'hydrolyse, c'est-à-dire l'hygiénisation du produit, tout ce qui est traitement de l'eau post-traitement centrifugation. Donc tout ça, on a besoin de 760 kWh pour être autonome sur cette partie-là. Et il va nous rester de manière disponible l'équivalent qui aujourd'hui ne va pas trouver source de rentabilité en fait. La haute température va servir justement à sécher le produit sec, c'est-à-dire comme je vous le disais tout à l'heure, sortie centrifuge, on sort à 25%. Comme on a besoin d'un produit à 80%, on va puiser l'énergie sur les fumées d'échappement grâce à un échangeur thermique. Et de cette manière-là, on peut amener un produit à 70% de matière sèche en étant autonome en énergie. Donc, et cet engrais va être enlevé en flux tendu sur notamment le bassin parisien. Il y a une demande assez importante. L'engrais liquide, après centrifugation, on a une partie solide dont je viens de parler. La partie liquide, ayant encore des traces de N, de P, de K, va subir plusieurs traitements. Le premier traitement, c'est de l'ultrafiltration. Ensuite, de l'osmose inverse. Et là, on va avoir un produit, un engrais liquide avec une certaine valeur fertilisante et on va le concentrer grâce à un évaporateur pour avoir un sulfate d'ammonium ou, pour parler plus simplement, l'équivalent d'un algoflash que vous pouvez acheter dans le commerce. Et de l'autre côté, vous avez une eau qui est déminéralisée, qui est stockée dans un bassin qu'on peut voir derrière, un bassin de 45 000 m3. Et cette eau-là, au lieu d'être épandue ou au lieu d'être envoyée directement dans le milieu naturel, elle est épandue sur des saulerets, des saules, des TTCR, des taillis à très courte rotation, oui, si vous voulez. Et ces saules-là sont récoltés tous les 2 ans, 13 hectares, pour alimenter les chaudières bois énergie que nous avons mis il y a quelques années au niveau de nos collectivités locales. Donc, c'est un processus peut-être mal expliqué, mais qui est complètement cohérent. Donc, je vous parlais du carbone. Le fait de méthaniser, on crédite du carbone et le carbone, on l'a évalué donc par rapport à un logiciel à 11 000 tonnes de CO2 capturées. quand on sait que notre principal outil économique sur la communauté de communes, c'est Kermenet, et Kermenet émet 21 000 tonnes de CO2. C'est-à-dire qu'avec une logique de territoire, on peut complètement être en adéquation entre les besoins sociaux, humains, la fonction industrielle et les émissions de carbone. Et aujourd'hui, on n'a sans doute pas suffisamment quantifié ou étalonné ces degrés de compétences. Donc, on l'a voulu parce qu'il a plusieurs intérêts. Vous savez, seul, en aucun cas, on pouvait investir. Et le fait de se fédérer, on a pu y investir. Et surtout, on a pu conserver nos petites et moyennes exploitations. Et aujourd'hui, on s'avise que l'agriculture bretonne, mais je crois que c'est européenne, s'en va vers le gigantisme, sans moyen demain de transmettre des outils, sauf peut-être à des fonds de pension ou des... Je parle de ce que je connais ici. On voit des ateliers de 2000 truies qui sont à se construire aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont 50 ans, qui investissent parce qu'ils ont réussi un peu. Malgré l'âge ou le recul de l'âge de la retraite, on arrive juste en retraite à quelques années, une fois que c'est en pleine croissance. Et ce sont des outils qui sont intransmissibles à notre sens. Alors que le modèle économique qu'on a monté ici conserve une population agricole nombreuse, des petites exploitations, mais surtout qui sont transmissibles. Et je pense que là, on a des opérateurs industriels qui viennent de plus en plus et qui prennent cette notion de transmettre des outils économiquement viables. Et je pense que là, on a un outil qui est capable de perdurer dans le temps. Voilà un peu, je peux parler un peu de la rentabilité parce qu'on n'investit pas 15 millions d'euros sans rentabilité ou en espérant avoir une rentabilité. Donc théoriquement, hein, c'est toujours avec un grand T, on aura des produits d'exploitation donc de plusieurs ordres. Le premier produit d'exploitation, c'est les agriculteurs qui vont payer 7 euros du mètre cube pour ou de la tonne pour traiter leurs effluents. Donc, ça nous fait 240 000 euros de recettes pour Geotexia. Après, les agro-industriels, aujourd'hui, comme Kermenet, traitent leurs effluents, soit par enfouissement, soit par plan d'épandage, mais de moins en moins, ou par incinération. Aujourd'hui, ça coûte un industriel autour de 55 à 60 euros pour détruire ces déchets. À la tonne, oui. Hein. C'est les prix qui se font aujourd'hui. Hein. Entre 40 euros pour le plan d'épandage, 35, 40 euros un plan d'épandage et l'incinération, c'est 107, 110 euros la tonne. Kermenet, pour ne citer que, hein, je crois, qui traite aujourd'hui à 57 euros la tonne. Nous, on va essayer de faire un peu mieux, hein, parce qu'on a une logique de territoire pour être complètement en adéquation avec les prix de marché qui se font localement. Donc, on va partir sur une base de 50 euros la tonne. Donc, c'est 40 000 tonnes par 50 euros. Donc, c'est 2 millions d'euros. La vente d'électricité, donc, nous sommes partis sur 12 millions de kilowattheures. Aujourd'hui, le kilowattheure est 0,139. On espère que demain, si la loi évolue comme c'est en pourparlers, le valoriser à 19 centimes. Mais on repart aujourd'hui sur des bases de 139 euros le mégawatt. Donc ça nous fait 1,8 million d'euros de revente d'électricité. On espère aussi vendre l'engrais, hein, le solide plus le liquide. Donc on est parti sur des bases de 20 euros la tonne et on va valoriser 5000 tonnes d'engrais solides et 3800 tonnes ou 4000 tonnes d'engrais liquides. Donc là aussi c'est 300 000 euros qui sont espérés. Ensuite, on a des charges d'exploitation. Les charges, c'est l'exploitation elle-même qui a été budgétée à 1,7 million d'euros. Plus des frais annexes, recherche de DIB, enfin, on a un compte d'exploitation qui nous... Enfin, le business plan monte les coûts d'exploitation à 2 millions d'euros. Et nous avons 800 000 euros de remboursement d'emprunt. Voilà un peu le là aussi, c'est encore du virtuel un peu. Hein. Tant qu'on n'a pas commencé, évidemment, on est dans l'expectative un peu. Non, ce sont deux moteurs MWM, moteur Deutz, en série. Hein, deux fois 800 kilos. Donc, les moteurs entraînent une génératrice. La génératrice revend donc l'électricité sur le réseau. Et toute l'énergie primaire, hein, l'énergie dont j'ai parlé, basse température, donc le refroidissement du moteur sert à chauffer les digesteurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la haute température, qui est la plus intéressante, alors, sert, elle, à sécher le produit, l'engrais. En cogénération, hein, c'est de la cogénération. Ah, c'est une bonne question. Je crois que personne ne croyait à ce projet-là. Hein. Je crois qu'il y a quelques Bretons. Il y a 10 ans qu'on est sur ce projet-là. Au début, on a été pris un peu pour des illuminés. Et voilà, les gens ont mal compris notre démarche. On n'est pas des communicants. Hein, je pense qu'on a une forte volonté locale, régionale, de faire aboutir ce projet, mais on a eu beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes parce que c'était un début à la méthanisation et qu'il y a 25 ans, on a essayé la méthanisation en Bretagne. Il y a eu 3 projets et ça s'est soldé par un échec. Donc, il y avait dans la tête toujours cet échec qui était là et on a eu du mal à renverser la vapeur. De faire une présentation la plus précise, la plus complète possible. Merci. Je lis l'actualité locale, je suis breton. Oui. Je lis l'actualité locale et je lis que les cochons, finalement, ont du mal à payer les cochonniers. Parce oui. qu'on a des prix qui sont très en dessous de la ligne de rentabilité, comme oui. on le dit souvent. Oui. Et ceci depuis plusieurs années. Avant, on avait des crises cycliques, on savait qu'on perdait de l'argent à des moments, mais on gagnait à d'autres. Là, je vois que vous prenez un engagement de 7 euros par mètre cube, c'est-à-dire par cochon, sur un outil qui a coûté un peu d'argent, quand oui. même, avec quand même un soutien important. Je dis... Est-ce qu'on est sur un point d'équilibre à terme, compte tenu finalement de l'artificialisation du dispositif ? C'est pas provocateur, mais... Non, mais je partage. Hein. Alors, quelle solution avait-on autrement ? Soit de partir. Je prends mon cas. Je produis, comme je dis, 8000 unités d'azote. J'ai 4500 unités d'azote à traiter. Bon, comment je veux dire ? Je crois sincèrement que les élevages les plus importants sont les plus endettés, sauf quelques-uns. À titre personnel, j'ai mon petit élevage, jusque-là, je paye toutes mes factures. Évidemment, je travaille peut-être d'une autre manière. Je suis tout en Cuma. Je n'ai pas investi dans du matériel. Donc, c'est la globalité qu'il faut regarder. C'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on va investir 7 euros par mètre cube de lisier traité. Tous les systèmes de traitement qui sont mis en place aujourd'hui sur la Bretagne coûte entre 10 et 20 euros. Et plus on est petit, plus c'est cher, évidemment. Le fait de mutualiser cet investissement, on espère derrière avoir une rentabilité, puisque dans Geotexia, on a des produits, on a des charges. Les produits d'exploitation, si vous avez noté, donc on va avoir un EBE entre 1,5 million et 2 millions d'euros, et de manière très pessimiste. Les dividendes espérés, peuvent écréter rapidement, et c'est ce qu'on espère, le coût du traitement de lisier. Donc, évidemment, on ne l'a pas fait de manière innocente. On a essayé de regarder un business plan, la pérennité des exploitations, et je crois que le challenge en vaut la peine. De deux manières, c'est ce que je disais, soit on laisse priorité sur des très grosses exploitations, ça c'est un choix de société, où on se dit, et je crois qu'on ne l'a pas fait seul, ce projet-là, il a abouti parce que, vous êtes breton, vous connaissez les associations environnementales, Haut-et-Rivière. Nous, ils nous ont soutenus, Haut-et-Rivière, parce que c'était un projet de territoire qui prenait en compte, effectivement, des petites agricultures, qui prenait en compte le territoire, parce que les déjections agricoles, c'est un problème. Les déjections ou les boues de Kermené, qui sont le poumon économique local, il faut les gérer d'une manière ou de l'autre. La fraction fermenticide des ordures ménagères peut venir dedans, puisque quand on va faire le tour, je vais vous expliquer un peu plus en détail réellement la teneur de cet outil qui est évolutif. Donc pour répondre à votre question, demain on espère être là encore parce que Geotexia pourra générer quelques dividendes à des éleveurs. Enfin, si ça répond à... Mais je partage votre inquiétude. Aujourd'hui on va dans un mur. L'agriculture va dans un mur. On a peut-être une chance du moment d'avoir un commissaire européen qui regarde un peu plus loin que le bout de son nez et qui dit demain peut-être que, en faisant des outils transversaux, on pourra accompagner un maximum peut-être d'agriculteurs ou de petits et moyens agriculteurs. Voilà, je ne sais pas si je vous ai, si j'ai bien retraduit. Pardon ? Ça peut être un long débat. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est réellement un débat qui en vaut la peine, quoi. Moi, j'ai une question sur la conduite du projet. Donc, vous disiez 10 ans, c'est ça, 10 ans de réflexion pour aboutir au démarrage du projet. 14 millions d'euros d'investissement. Et ce que j'ai retenu de votre explication, c'est que c'est précis. Il y a à la fois, on parle d'éléments financiers très précis et complexes, et en même temps de techniques, de chimie, etc. Comment vous en êtes arrivé à ce niveau de compétences? Par qui vous avez été accompagné? Bureau d'études, des architectes peut-être, je ne sais pas. Évidemment, on ne l'a pas fait seul. Hein. Le mouvement CUMA, depuis 10 ans, a été très présent par l'intermédiaire de ELLE, l'association AILE. Premier point. Le deuxième point, c'est Gilles Petitjean de l'ADEME régional, qui en a fait son challenge. Aujourd'hui, si ce projet est là, ces deux structures, on peut leur dire merci. Ensuite, il y a les hommes. On s'est épris par ce projet et on a su, je crois, trouver les bonnes compétences à droite et à gauche. Donc c'est bien un projet collectif avec un grand C. Vous êtes formé sur le tas, c'est ça ? Non, on s'est formé. Hein. Moi, j'ai un bac pro et puis voilà. Mais c'est devenu une passion et puis... Voilà, c'est un challenge pour le territoire. Mais j'insiste bien, c'est réellement un projet collectif. Alors, on va faire le tour dans un quart d'heure, parce qu'il y a des travaux un peu partout, quoi. Peut-être que vous l'avez dit, mais la mise en service, je n'ai pas écouté. D'accord. Donc, le monsieur parle, ça va être mis en service quand? Donc on commence jeudi, demain, à remplir les digesteurs que vous avez vus et qu'on va voir en eau pour faire la mise en hydraulique visuelle, on appelle ça, pour voir s'il y a des fuites ou pas. Ensuite, on commence à rentrer des lisiers la semaine 43, je crois. Donc c'est imminent, puisque... on va crescendo. Et les moteurs vont tourner la deuxième semaine de février. Donc, c'est... Voilà. Donc, pour revenir un peu sur la question, en France, on avait... Au tout début du projet, on a pris une maîtrise d'œuvre compétente, mais fonctionnant que sur du multiproduit. Je ne la citerai pas. Une boîte parisienne avec... Voilà. Et à un moment, on s'est enlisé dans le projet parce qu'on n'avait pas ces compétences de multiproduits. Et on a été chercher des Allemands pour éviter de réinventer la poudre à chaque fois. Et là, on a trouvé une boîte qui s'appelait Schmack Biogaz, 15 ans de référence. Malheureusement, à peu près à cette époque ici l'année dernière, cette boîte, elle a fondu les plombs, elle a fait faillite. On a eu plein de soucis. Et quand cette boîte a fait faillite, l'ingénierie de Schmack s'est regroupée en association. Ils ont refait une structure et on a repris les mêmes. Donc cette boîte s'appelle NES. Donc ils sont 15 ingénieurs et c'est eux qui nous ont accompagnés de manière technique pour faire le projet. En fait. Pardon ? Oui, c'est rare. C'est compliqué parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des Allemands. Alors, ici, on a scindé les choses en deux. Tout ce qui est génie civil, bâtiment, c'est un clé en main qui a été fait avec des boîtes locales. Tout ce qui est process, donc ça vient beaucoup d'Allemagne, mais avec, comment je dirais ça, un tuilage avec des Français. Je vais prendre l'électricité et tout ce qui est automatisme. Donc, c'est M. Nioff, là, c'est une boîte d'Allemagne. Mais dans le cahier des charges, on leur a demandé de faire un partenariat avec des Français pour, là aussi, ben, apprendre ensemble. Et je pense qu'on est souvent du moment à taxer les Allemands d'être plus compétitifs, mais je pense qu'ils ont un autre regard sur l'industrie. Et voilà, ils ne sont pas avares de donner des conseils aux entreprises locales. Pardon, je n'entends pas. Vous êtes parti sur une durée d'investissement de combien ? À quel moment vous avez trouvé l'emprunt ? Donc, on est parti sur l'investissement sur 15 ans. 15 ans. Donc, quelle durée d'amortissement ? 15 ans. Hein, les emprunts sont sur 15 ans. Le contrat d'énergie, revente d'énergie, c'est 15 ans également. Sachant que dans la nouvelle mouture qui va sortir, donc le club biogaz, AT2E, enfin, tous ceux qui sont un peu dans la revalorisation du kilowattheure électrique, là, ont fait une demande à 20 ans, comme sur le photovoltaïque. Donc, on a eu effectivement une association qui s'est montée contre le projet parce qu'on a très très mal communiqué. Je pense que la faute revient aux agriculteurs. Après, on a eu, comme je le disais tout à l'heure, des associations environnementales qui ont contrebalancé les choses, puisque au Coderts, on a eu l'unanimité sur ce projet-là quand on a déposé l'autorisation d'exploiter. Puisque Eaux et Rivières de Bretagne, Vivarmor, la Confédération Paysanne, qui sont souvent hostiles à des gros projets, sont venus réellement soutenir ce projet-là. Et ça, je pense qu'on doit se servir de plus en plus des associations environnementales pour réellement faire un état des lieux et puis voir les besoins et les contraintes. Je pense qu'en Bretagne, c'est mon sentiment personnel, on s'est beaucoup trop opposé aux associations environnementales qui, dans bien, bien des cas, avaient vu le problème bien avant les autres. Et voilà, ça peut paraître paradoxal un peu que je dise ça en tant qu'agriculteur, mais voilà, je pense que c'est très intéressant de le dire parce que c'est un mérite pour eux et ça évite surtout de faire des âneries derrière. Ces associations ont tiré la sonnette d'alarme sur les traitements biologiques il y a très très longtemps. Hein, tous les traitements, on abat l'azote et on retourne acheter des énergies fossiles, enfin des engrais d'origine fossile. On marche sur la tête, quoi. Alors que là, la matière organique, on va la garder, on va la valoriser. Après, c'est pas pour faire n'importe quoi, évidemment, mais on a toute cette réflexion à avoir, quoi. Bien sûr. Non. Ah. Tous les éleveurs qui ont pris part dans ce projet-là ont bloqué leur élevage en termes d'augmentation de cheptel. On parie sur une plus-value, comme le font bien les Allemands. On sait qu'en Allemagne, c'est 25 à 30% de revenus de l'énergie qui vient dans les exploitations. On a fait ce pari, peut-être insensé, on verra dans 5 ans. Mais je pense que ce qu'on est capable de générer en dividendes à Geotexia peut retourner, hein, je me répète, mais contribuer à, donc au, à un bilan positif de chaque exploitant. Des investissements, complètement. Après, il y a quand même des investissements sur le bien-être qui doivent être faits et qui ne seront faits, qui ne seront pas faits évidemment par Geotexia. Et au-delà de l'investissement, ce que je voudrais souligner, c'est le côté innovant et espoir des agriculteurs. Vous savez qu'on traverse une crise sans précédent et on fait des réunions régulièrement ici. Et quand on voit la volonté de chaque éleveur de s'accrocher un peu sur ce projet-là, ça fait chaud au cœur aussi pour ceux qui ont, depuis 10 ans, essayé de faire aboutir le projet. C'est aussi un espoir qui est là et voilà, sans savoir toutes les difficultés qui ont eu lieu pour le faire aboutir. C'est opérationnel à quelle date ? Mois de février. Hein ? On commence à intégrer les boules et, rapidement là, mais voilà, au mois de février, c'est le start. Est-ce que cette création a motivé d'autres projets en Bretagne ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'éleveurs en Bretagne et vous, c'est un peu trop. Il y a de plus en plus de groupes qui viennent ici pour essayer de voir une transposition de projet. Je dis oui, il faut aller vers des projets collectifs. Il est illusoire, à mon sens, là aussi c'est sous ma responsabilité, de mettre de la méthanisation sur des bâtiments d'élevage type porcin pour ne faire... alors comment je vais m'exprimer ? On sait que la méthanisation n'abat pas d'azote. Hein ? Et souvent on veut faire croire que en mettant des outils de méthanisation, on va traiter les problèmes d'azote. C'est faux. Derrière, il faudra une centrif, il faudra valoriser derrière. Donc attention à ça. Par contre, des outils comme ceux-là, ils sont évolutifs. Et je pense que peut-être on s'est un peu trompé sur celui-là en mettant 75 000 tonnes. Il n'est pas en route, peut-être que 50 000 tonnes, l'acceptation est beaucoup plus facile à avoir. Il faut peut-être les disséminer sur le territoire. Ça a plusieurs effets positifs. C'est qu'on réinjecte de l'électricité partout. Ça, c'est quand même important. Ce projet-là, c'est l'équivalent d'un parc éolien de 8 MW. Ici, on tourne 8200 heures par an en cogénération. Un parc éolien tourne 2000 heures par an. Donc, 8 MW installés en éolien, 1 MW 6, on a le même productible par an. Donc, c'est hyper intéressant pour la Bretagne de multiplier ce type de projet en les mutualisant. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de le faire uniquement avec l'agriculture. Toute la fraction fermenticide des ordures ménagères, tout ce qui est, on doit impérativement aller dedans. Et nous, on a mis, donc on va aller voir dans le hall à côté, il ne s'arrête pas uniquement à la fonction agricole, puisqu'on a mis une presse qui est capable de faire du décompactage. Dans les fosses que vous allez voir à côté, on a deux types de fosses. Donc une fosse pour des pâteux agressifs et une fosse qui réceptionne des indésirables, enfin des choses comme des invendus. Vous avez 20 tonnes de jambon, hein, je vais prendre, invendus à Kermenet. Aujourd'hui, ça s'en va en incinération et on brûle de l'eau. Là, on est capable de les prendre, les 20 tonnes d'un coup, et on a un outil. Et les indésirables, donc les plastiques, de la matière organique. Donc on va valoriser toute la matière organique. Système U, j'ai été les voir à côté de Saint-Brieuc, ils ont des invendus en pagaille. Aujourd'hui, ça va à l'incinération. Est-ce que demain, on peut continuer dans ce schéma-là ? C'est un point d'interrogation. Là, on a un outil qui est capable de prendre ces indésirables ou ces lots invendus et de les valoriser en biogaz. C'est bon, ben on y va pour la visite. Tant qu'on est ici, donc le bâtiment ici va être rempli uniquement de tout ce qui est traitement du digesta, sorti. Donc sur cette partie-là, jusqu'à la moitié du hangar, on a un gros sécheur qui pèse 58 tonnes. C'est un sécheur rotatif et c'est là qu'on va sécher le produit de 25 à 85% de matière sèche. Ensuite, de ce sécheur, on a une vis qui va partir par ici et qui va aller de l'autre côté, emmener le produit fini dans le hall de départ où il y a deux camions qui vont être en alternance pour réceptionner donc le produit fini. Sur la partie gauche ici, on a l'évaporateur donc qui va concentrer l'engrais liquide. Ensuite, on a l'ultrafiltration, l'osmose inverse qui est là-bas. Donc, c'est difficile pour vous de visualiser, mais tout ce bâtiment est plein d'outils pour traiter uniquement le digestat. Juste pour vous donner une idée, le sécheur, c'est juste 1 million d'euros. Donc, le coût du traitement ou de la valorisation de la matière organique pour être exportée est extrêmement onéreuse. Parce qu'on a des contraintes locales qui sont différentes des pays de Loire ou de la Vendée, où on est complètement différent. Nous, on a un excès de matière organique qu'on doit exporter. Donc, 3 à 4. Hein. On a misé sur l'automatisme. Tout est automatisé. Tout, entièrement tout. Mais ça nécessite quand même 3 personnes. Et ça, en termes d'emploi, ça sécurise surtout en amont hein, les éleveurs agricoles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quoi. Oui, ça tourne. Hein. La méthanisation, on n'arrête pas le processus de méthanisation. Ici, parce que j'ai cru entendre le mot andin. Non, c'est un sécheur thermique. Hein, on va rentrer de la matière sèche à 25%, on va la ressortir donc en engrais organique sec à 80%. Mais c'est quand même bizarre, la centrale d'irrigation ne vous donne que du 25% de oui, matière oui, sèche. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est le meilleur. Vous ne pouvez pas mettre un pressoir Non, mais on ne peut pas, hein, évidemment. Pas, même avec des polymères, on a du mal. Non, oui, bien sûr, on a essayé de voir. Le 25%, c'est pas... Non, mais c'est ce qui se fait. Hein. Je m'excuse, une petite précision. 31 agriculteurs, ça représente combien de têtes de bétail Ça fait 112 000 unités d'azote. On va essayer je vais essayer de... Les 150, même pas, 120 truies par 30. À peu près, 120, 130 truies. D'accord. Plus la suite. Plus les petits... Oui, ça...